4. Sur la grande route. Première aventure à Fontainebleau. L'échelle de soie. Par une chaude journée du mois de juin 1656, une longue file de carrosses s'avançait lentement sur la route de la Palisse, à Moulins. Il y en avait bien une vingtaine, suivie d'un nombre au moins égal de mulets de bât lourdement chargés de bagages. C'étaient les équipages de la reine Christine de Suède qui s'acheminaient vers Paris par le Bourbonnais. Le voyage durait depuis un mois. On s'était arrêté à Vienne, en Dauphiné, à Lyon, à Roanne, à la Palisse, où des fêtes avaient été données à Christine, sans compter les châteaux épars sur la route qui offraient à l'envi à la royale aventurière une brillante hospitalité. Henri de Lorraine, duc de Guise, avait profité des longueurs de la route pour faire aussi son chemin dans le cœur de celle qu'il voulait ranger au nombre de ses conquêtes. C'était ce que l'on appelle un cavalier accompli, ayant une grande expérience des choses du monde et des affaires de la galanterie. Les premières années de sa vie avaient été très agitées et occupées de grands intérêts. Possesseur de l'archevêché de Reims et des plus riches abbayes du royaume, il était entré dans la Ligue confédérée pour la paix universelle de la chrétienté. Puis, ayant fait la paix avec la cour, il passa en Italie et devint généralissime des Napolitains révoltés contre les Espagnols. Fait prisonnier par ceux-ci, il fut envoyé à Madrid. Mis en liberté, il tenta inutilement de reconquérir le royaume de Naples. C'est alors qu'il revint en France, où Louis XIV le fit grand chambellan. Mais les soins de toutes les affaires de guerre et de politique auxquelles il avait été mêlé ne l'avaient pas tellement absorbé dans cette existence si accidentée qu'il n'eût trouvé le temps de s'occuper des femmes. Il avait eu de beaux succès de ruelle à Naples et à Madrid. Et de retour en France, les filles d'honneur d'Anne d'Autriche et les dames de la cour s'étaient montrées sensibles à ces hommages qu'une longue expérience et la variété des caractères et des tempéraments féminins qu'il avait étudiés dans le vif, dans des pays de mœurs si différentes, lui avaient appris à nuancer avec un art très délicat. Sentimental avec les précieuses, emporté avec les passionnées, enjoué avec les rieuses, il était capable de filer pendant des mois entiers le parfait amour ou d'emporter d'assaut, en quelques heures, une place bien défendue en devinant tout à coup son côté faible. Mais l'humeur bizarre, les caprices, la mobilité d'esprit de l'Amazone du Nord avaient dérouté sa science. Il fit d'abord avec elle fausse route. Christine, impressionnée par le voyage qu'elle venait de faire sur la Méditerranée, lui avait paru plus portée au sentiment qu'à la passion. Il s'était mis alors à lui jouer la sensibilité et, de Marseille à Lyon, le duc de Guise fut un vrai paladin, un héros de roman langoureux, exprimant son amour par les plus tendres mais aussi par les plus respectueux soupirs. Les affaires n'avançaient pas et Christine commençait à avoir mauvaise opinion du jeune seigneur français. Quand on eut dépassé Lyon, un brusque changement se fit dans les manières du duc de Guise. Autant il s'était montré sentimental, autant il se montra frivole, épicurien, apôtre du plaisir. Mais comme tout se passait encore en discours, Christine, toute surprise de la métamorphose, n'eut pas l'occasion de le reprendre. La caravane, cependant, était arrivée en bas d'une côte escarpée. Nous avons dit que la chaleur était accablante. Le soleil tombait d'aplomb sur la route, blanche d'une fine poussière. Les carrosses montèrent la côte encore plus lentement. Les femmes et les serviteurs de la suite de la reine avaient mis pieds à terre. Elle descendit elle-même, s'appuyant sur le bras du duc de Guise. « Ah ! Dit-elle, il y a des instants où je me prends à regretter le ciel de mon pays, ce ciel toujours voilé. Quand j'étais à Stockholm, je soupirais après le soleil de France et d'Italie qu'on me disait si beau. On aime bien que ce que l'on ne possède pas. » « Moi, répondit d'un air dégagé le duc de Guise, si je possédais ce que j'aime, mon amour deviendrait de l'adoration. » Christine lui jeta un regard en dessous. « Savez-vous, fit-elle, que vous autres, Français, vous êtes aussi brûlants que votre soleil ? Que votre majesté n'en médise pas trop, le remède est auprès du mal. » « Le remède à quoi, monsieur le duc ? À cette chaleur accablante dont vous vous plaignez et qui vous fait regretter les brumes de la Suède. » Il lui montrait en même temps un des côtés de la route que bordait un bois touffu. « Si ma reine le permettait, continua-t-il, je lui ferais faire la plus agréable promenade qu'il soit possible d'imaginer. Je connais ce pays pour y être venu chasser avec le chevalier de Mailly, dont le château a attiré ce matin votre vue. Il y a là, à notre droite, sous bois, un sentier délicieux qui coupe au plus court et qui nous mènerait au plus haut de la côte bien avant les carrosses. Christine jeta un nouveau regard sur le duc, mais cette fois, elle le regarda en face. Il y eut un moment de silence, puis elle dit, résolument, « Allons !» Ils quittèrent la grande route et s'enfoncèrent sous le bois. Au moment où ils allaient disparaître, Christine, se retournant un peu, aperçut, immobile sur la route, son majordome, le comte Maria Santinelli, dont le regard exprimait le dépit. Puis, il fit deux pas en avant, comme s'il eût voulu les suivre. Mais il se détourna brusquement et parut rejoindre la compagnie qui gravissait la côte, en devançant les carrosses. Il régnait dans le bois une fraîcheur délicieuse, avec une demi-obscurité que faisait ressortir la clarté éblouissante qui embrasait au dehors l'atmosphère. La reine éprouva un léger frémissement de ce contraste. Elle se rapprocha instinctivement de son cavalier qui sentit sur son bras le doux contact d'une main qu'il osa presser dans la sienne. Christine abandonna aussitôt son bras et se mit à marcher vivement, presque à courir dans le sentier. Elle arriva ainsi, un peu essoufflée, dans une petite clairière où se trouvaient des bancs de gazon. On eût dit un cabinet de verdure. « Ah ! » fit-elle, en se laissant tomber au pied d'un coudrier. « C'est une vraie escapade d'écoliers. Que diraient mes graves sujets suédois s'ils voyaient leur auguste reine courir ainsi dans les forêts de France ?» Le plus dévoué et le plus respectueux de vos serviteurs n'est-il pas avec vous pour vous protéger contre tout péril ? Sans compter, poursuivit-elle, que vous êtes très compromettant, monsieur le duc de Guise. Toute ma maison a pu remarquer depuis quelques jours vos assiduités auprès de moi. Je remplis une mission diplomatique. Le roi, mon maître, ne m'a-t-il pas dépêché auprès de votre majesté pour lui rendre honneur et lui tenir compagnie ? Je remplis mes devoirs. Et vous vous en acquittez à merveille, en y mettant un peu du vôtre, car tous ces soupirs que vous poussez, sans prendre garde au regard des jaloux et des importuns, cet empressement, ces libertés que vous prenez, ces propos galants, et cette folle idée de me faire quitter mes gens pour m'égarer dans une pareille solitude, en plein jour, préféreriez-vous, ma reine, que ce fût en pleine nuit ? « Je crois que vous me manquez de respect, » dit-elle en se levant avec brusquerie. « Monsieur le duc, sortons tout de suite de ce bois et regagnons la route. » Le duc de Guise lui prit de nouveau la main. « Eh bien, oui, » dit-il, « je vous aime, madame. Je suis fou d'amour pour vous. Méfiez-vous à ma loyauté. Vous ne courez avec moi aucun danger. Hâtons le pas et poursuivons notre promenade. Dans quelques minutes, nous serons hors de ce sentier. »« Silence, » fit Christine. « N'avez-vous pas entendu ? Il y a quelqu'un auprès de nous. Des bruits de pas ont frappé mon oreille. »« Quelques paysans qui traversent la forêt. Je n'entends rien. » Ils se remirent à marcher, mais le chemin devenait de plus en plus étroit. Il leur fallut bientôt gravir une pente escarpée semée de roches, et force fut à Christine de s'appuyer sur le bras robuste de son cavalier. Ils arrivèrent au haut de la montagne. Christine était oppressée, son cœur battait avec force, et la rougeur de son visage témoignait des sentiments qui l'assaillaient dans cette solitude en compagnie d'un des plus séduisants gentilshommes de la cour de France. Quand il fallut redescendre, car le terrain de la forêt était très accidenté, ce fut bien autre chose. Tout à coup, une pierre sur laquelle elle avait posé le pied se détacha, Christine poussa un cri, chancela, elle allait rouler au fond d'un ravin. Deux bras vigoureux l'enlacèrent, sa tête se pencha, et elle sentit les lèvres ardentes du duc de Guise imprimant sur son cou un brûlant baiser. « Ah, pardonnez-moi, ma reine, » fit le duc en la déposant doucement sur un gazon. « Pardonnez-moi, dans les occasions périlleuses, toute distance disparaisse. Et vous me traitez comme une simple bergère, comme la plus adorée des femmes. Vous venez de me sauver la vie, » fit-elle avec un enjouement un peu forcé. « Mais n'en profitez pas. « Ce serait trop d'égoïsme de prétendre à la récompense à l'instant même du service. » Le duc de Guise était à genoux près d'elle, lui tenant toujours la taille enlacée. Elle essaya de se dégager et lui disait, presque à l'oreille, d'une voix basse et pressante, « Mais si la récompense doit être accordée, pourquoi la différer ? Pourquoi languir à l'attendre ? Jouissons du moment présent. Certes, si j'avais de l'amitié pour vous, ce ne serait pas ici que je vous le prouverais. Quand on tient une reine dans ses bras, il faut que le succès légitime sur l'heure une aussi hardie entreprise. N'ai-je pas lu 20 fois dans vos yeux que je ne vous suis pas indifférent ? Christine, je vous aime, nous sommes seuls. Le ciel est témoin du serment que je fais de m'attacher à vous pour la vie. » Elle ne se défendait plus que faiblement. « Reine, votre cœur s'émeut. Pourquoi ce dôme épais de verdure ne vaudrait-il pas une alcôve dorée ? Ne commandez-vous pas aux vulgaires préjugés qu'en parole ? Je vous tiens dans mes bras. Eh bien, dites un mot et, sous vos yeux, je me précipite dans ce ravin dont je vous ai sauvé. » Il fit un mouvement, comme pour se relever. Une douce pression l'arrêta. « Ah, vous m'aimez, ma reine, ma Christine, faites de moi le plus heureux des mortels, ma vie entière pour cette minute d'ivresse. » « De grâce, murmura-t-elle faiblement, laissez-moi, Henri, c'est une folie. » Le silence qui régnait autour d'eux fut soudain troublé par une détonation. La reine poussa un cri et se leva, en proie à une profonde terreur. Un coup de feu venait de partir. La balle avait détaché une plume du feutre du duc de Guise et brisé en deux, comme une paille, un arbrisseau qui se trouvait derrière lui. Le duc s'était élancé dans la direction du feu. Il disparut quelques instants, qui parurent un siècle à Christine, toute pâle de cette aventure tragique. « Eh bien, » fit-elle quand il revint, « l'assassin a fui, » dit-il. « Un assassin ? Vous croyez qu'on en voulait à vos jours ? N'est-ce pas quelque braconnier ? Il doit y en avoir dans cette forêt. » « Un assassin, vous dis-je, madame. Cette arme qu'il a perdue en fuyant, et qui est encore toute chaude, n'est pas une arme de paysan ou de braconnier. Voyez plutôt. » Il lui présenta en même temps un long pistolet dont la crosse était richement incrustée d'ornements d'argent. Christine s'en empara vivement et ne put retenir un cri en découvrant sur la crosse certaines armoiries gravées dans le métal et qu'elle connaissait bien pour les avoir déjà vues. « Monsieur le duc, » reprit-elle après un moment de silence, « une autre vous dirait peut-être que cette aventure qui a failli vous coûter la vie est un avertissement du ciel, qui a voulu m'arrêter sur le bord de la pente, quand j'étais sur le point de commettre une faute contre la gloire de mon sexe et de mon rang. » Il voulut protester. « Laissez-moi achever. Je suis au-dessus de tels préjugés. Vous m'aimez ? Je vous crois, et je serai la dernière des femmes si, après ce qui s'est passé entre nous, après la faiblesse que j'ai montrée contre votre entreprise, je dissimulais que vous ne m'êtes pas indifférent. Oui, je me suis laissé toucher par votre amour, monsieur le duc. J'y crois, mais vous allez m'en donner une autre preuve. Parlez, ma reine, je vous l'ai dit, ma vie est toute pour vous. Nous allons regagner à la hâte les carrosses. Plus tard, bientôt, je vous donnerai les preuves que je ne suis pas une ingrate. Mais vous allez me jurer de ne faire aucune démarche pour découvrir celui qui a tenté, sous mes yeux, presque dans mes bras, vous ravir une existence qui m'est si précieuse. La récompense que vous réclamez est à ce prix. Vous connaissez donc le misérable ? Peut-être, mais dans tous les cas, ne comprenez-vous pas que la réputation de votre reine dépend du silence que je vous demande ? J'obéirai. Ainsi, pas un mot de ce qui s'est passé dans cette forêt. Pas un mot. Quoique vous veniez à découvrir quelques soupçons qui vous viennent à l'esprit, quelques indices qui frappent vos yeux, vous ne ferez rien paraître des mouvements qui pourront agiter votre esprit. Je vous le jure, par l'amour que vous m'avez inspiré. Ce serment me suffit, duc de Guise. Voici ma main. Il y imprima un long baiser. Moins d'un quart d'heure après, ils étaient sur la grande route. Les carrosses avaient achevé de gravir la côte. Christine monta dans le sien où se trouvaient déjà ses dames de compagnie. Le voyage s'acheva sans autres incidents et 4 jours après, Christine, ayant donné des ordres pour qu'on hâtât la marche, faisait son entrée à Paris sans qu'elle eût laissé soupçonner à qui que ce fût l'aventure de la forêt et le tragique dénouement qui avait failli la terminer. La reine de Suède fut logée d'abord au Louvre. Le soir même de son arrivée, elle fit appeler dans son cabinet son majordome. Le comte Maria Santinelli se présenta comme d'habitude à elle avec le sourire italien qui sert, au-delà des Alpes, de masque à toutes les passions. « Comte Santinelli, lui dit Christine, nous sommes en France. Connaissez-vous les lois et les mœurs de ce pays ? Si votre majesté a besoin de quelques renseignements à ce sujet, qu'elle daigne s'expliquer, et je mettrai à son service mes faibles lumières. » « J'en sais là-dessus, au moins autant que vous. Dans ce pays, comte Santinelli, on pend les assassins quand ce sont des roturiers, des manants ou des paysans. Quand ils sont nobles, on les envoie en place de grève sur le billot. Le mieux qui puisse leur arriver, c'est d'être enfermés dans cette Bastille, dont vous avez aperçu de loin les tours en traversant Paris, et d'y demeurer toute la vie entre quatre murailles épaisses de 15 pieds. Que votre majesté veuille dissiper les ténèbres de mon esprit, je ne comprends pas les très excellentes paroles que sa bouche auguste m'a adressées. « Ah, tu ne comprends pas !» s'écria Christine en se levant du siège où elle était assise, et, s'avançant vers lui, les yeux enflammés de colère. « Tu ne comprends pas, traître et félon !»« Reine, vous me glacez de terreur !» balbutia l'Italien en se reculant. « En quoi ai-je mérité ma disgrâce? Pourquoi ces dures paroles ?»« Il le demande, il ose le demander !»« Sur mon salut éternel, que faisais-tu là-bas, dans certaines forêts, le jour où monsieur le duc de Guise a bien voulu m'accompagner et me guider pour abréger la fatigue d'une chaleur insupportable ? Que l'enfer ait mon âme, si je comprends ce que votre majesté... Tu m'épiais, tu épiais ta reine, poussée par le démon de la jalousie que t'inspire une folle et coupable passion. Car tu as osé porter les yeux jusqu'à moi. Ne le nie pas, je le sais, et je t'aurais pardonné, peut-être, cette audace. Ah, ma reine ! Mais ce que je ne pardonne pas, ce que je ne te pardonnerai jamais, c'est le crime odieux que tu as essayé de commettre. » Comme il faisait un geste de dénégation, elle l'arrêta. « Pas un mot, j'ai des preuves entre les mains. Tiens, connais-tu cela ? » Elle avait soulevé une étoffe de velours qui recouvrait une corbeille placée près d'elle, et elle en retira un pistolet. « Reconnais-tu cette arme ? » fit-elle avec un geste violent. Il ne put réprimer un mouvement de surprise, mais il se remit aussitôt. « Je ne connais pas cette arme, » répliqua-t-il. « Ah, tu ne la connais pas. C'est pourtant celle que tu as tirée sur Henri II de Lorraine, duc de Guise, grand chambellan du roi Louis XIV, et que tu as laissé tomber en prenant la fuite, quand le duc que tu avais manqué s'est mis à ta poursuite, maladroit assassin, aussi lâche que criminel. » Il rougit sous l'affront sanglant que Christine de Suède lui jetait à la face. Puis, accablé par l'évidence, il baissa la tête. « Faut-il achever de te convaincre de ta méchante action ? Tiens, la crosse porte gravée les armoiries des comtes Santinelli. Maintenant, écoute-moi bien. Ceci est ta sentence. À genoux d'abord. À genoux devant ta reine, comme il convient à un coupable. » Maria Santinelli fléchit les genoux et leva sur Christine un regard suppliant. « Oui, » dit-elle, après l'avoir contemplée en silence. « Oui, je sais que tu m'aimes. » Et je te l'ai dit, cet amour, je te l'aurais pardonné, peut-être, si tu n'y avais pas ajouté l'outrage. Maintenant, je puis tout te dire, car tu es en mon pouvoir. Ta vie m'appartient. Elle est ma chose, ma propriété. Oh, ce n'est pas comme tu l'entends. S'il me plaît de te livrer au bourreau, demain, aujourd'hui même, je n'ai qu'un mot à prononcer. Je n'ai qu'à aller dire au roi de France, qui est en ce moment à Compiègne, avec la reine-mère et le cardinal, « Sire, votre majesté, pratiquant comme il convient à un grand roi l'hospitalité, avait envoyé à Marseille, pour me ravoir dans ses états et m'accompagner auprès d'elle, un des plus illustres rejetons des grandes familles du royaume, c'était votre ambassadeur, votre représentant, un autre vous-même, et celui qui eût osé porter la main sur Henri de Lorraine, duc de Guise, l'aurait porté sur le roi de France. » Le comte Santinelli tressaillit à ces mots que Christine accentuait d'une singulière manière. « Ah ! Continua la reine de Suède, tu commences à comprendre l'énormité de ton crime. Si j'allais dire cela au roi de France, penses-tu que ta tête serait bien solide sur tes épaules ? Mais je ne le ferai pas, à deux conditions auxquelles tu vas souscrire sur l'heure. « Je suis aux ordres de votre majesté, » murmura Maria Santinelli. « Je l'espère bien. Mais d'abord, relève-toi et écoute. J'aime le duc de Guise, que cet aveu soit ton premier châtiment. J'aime le duc de Guise, et tant que je demeurerai en France, j'entends que, restant auprès de moi, me continuant tes services, tu n'es jamais, quoi que tu vois, quoi que tu entendes, quoi que tu surprennes, une parole, un regard, un geste qui trahissent le secret que tu connais. Vous me déchirez cruellement le cœur, ma reine. Osa murmurer le comte, qui voyait s'évanouir toutes les espérances de son amour et de son ambition. Espérance que Christine de Suède avait presque encouragée à Rome et pendant sa longue traversée de Civita Vecchia à Marseille, par une douce familiarité et de menues faveurs. La douleur qu'il ressentait allait si bien au visage du comte, qui était un des plus beaux hommes de l'Italie, que Christine en fut touchée. Elle versa immédiatement quelques baumes sur sa blessure, Que veux-tu, mon pauvre Sigisbée, mon fidèle et trop jaloux cavalier servant ? Dit-elle. Christine de Suède est ainsi faite. Christine, la bizarre, la capricieuse, l'épicurienne, la philosophe, qui s'est mise au-dessus de tous les préjugés de son siècle, de son sexe, et qui a sacrifié un des plus beaux trônes de l'Europe pour vivre libre, pour suivre tous les mouvements d'un esprit indépendant. Mais je ne te défends pas d'espérer. Nous ne resterons pas toujours en France. Un jour, plus tôt peut-être que tu ne penses, je reprendrai cette vie nomade à travers le monde, qui m'apparaissait comme le suprême bonheur au milieu de ma cour si froide, si compassée, si monotone de Stockholm. Nous retournerons en Italie, à Rome, dans le palais Farnèse, dont les beaux jardins te plaisaient tant, lorsque tu y accompagnais ta reine, par ces belles nuits embaumées. Les souvenirs que Christine venait d'évoquer semblèrent calmer un peu la douleur de Maria Santinelli. Il fit un pas vers la reine, dont il prit respectueusement la main, en lui disant « Que votre majesté soit bénie par ce rayon qu'elle laisse glisser à travers les sombres nuages de sa colère. Mais il y a encore une autre condition à mon pardon. Je souscris à tout ce que vous me commanderez, et j'attends vos ordres. » Elle tira de son corset un parchemin qu'elle lui présenta. « Lis cela, et tu le signeras ensuite, en le scellant de tes armes. » Maria Santinelli prit le parchemin qu'il parcourut rapidement. « À haute voix » fit-elle. Le comte lut alors à haute voix la cédule que voici. « Moi, Hercule Angelo Maria Santinelli, des comtes Santinelli de Pesaro, devant Dieu qui m'entend, sur le salut de mon âme, et en présence de Sa Majesté Christina Alexandra, reine de Suède, qui m'a forcé, par les preuves les plus convaincantes, à lui faire l'aveu de ma détestable entreprise. Je reconnais, confesse, et suis prêt en toute occasion, et devant tel tribunal, juridiction royale, parlement, chambre criminelle, à reconnaître et confesser que, croyant avoir reçu une injure de Mgr Henri II de Lorraine, duc de Guise, ambassadeur de Sa Majesté le roi Louis XIVe, j'avais formé le coupable dessein d'en avoir vengeance. À cette fin, et pendant le voyage de la dite reine de Suède, entre la ville de la Palisse et la ville de Moulins, j'ai tendu un guet-apens au duc de Guise, et lui ai tiré un coup de pistolet, dans le bois qu'il traversait pour son service d'ambassadeur et d'accompagnateur de la reine Christine, dont la balle, passant à un pouce de la tête de Mgr de Guise, a enlevé une plume de son feutre. Le duc de Guise, s'étant élancé à ma poursuite, j'ai laissé tomber en fuyant le pistolet dont je m'étais servi pour commettre ce crime, et Mgr de Guise, qui ne m'a pas reconnu, l'a remis à la reine de Suède, qui me l'a présenté plus tard, et qu'elle garde comme preuve de mon abominable conduite. Le dit pistolet ne saurait être nié par moi, tant sur la crosse les armoiries des comtes de Santinelli de Pesaro, avec lesquels, pour mieux confirmer et rendre authentique et irréfragable l'aveu que je fais ici, je scelle la présente cédule après l'avoir signée de mon nom. « Signe maintenant, et scelle avec ta bague, » dit Christine quand le comte eut achevé de lire le parchemin. Et comme il hésitait, « Que crains-tu ? Je te jure que si tu m'es dévoué, fidèle et discret, ce parchemin ne verra jamais le jour, et que je te le rendrai peut-être plus tard à Rome, dans les jardins du palais Farnèse. » Maria Santinelli s'approcha d'une table, signa la cédule, et, faisant fondre de la cire rouge à une des bougies qui éclairait le cabinet où se passait cette scène, la scella avec la pierre gravée de sa bague. « Tenez, ma reine, » dit-il, reprenant toute sa hardiesse et sa confiance. Vous aviez mon cœur, mon âme, vous avez maintenant ma vie entre les mains. Disposez de tout cela comme il vous plaira. Quoi que vous fassiez, quoi que vous commandiez, j'obéirai. Et si jamais quelqu'un se trouve sur votre passage qui soit pour vous une gêne, un embarras, un ennui ou un péril, dites un mot, faites un signe. Et Maria Santinelli vous prouvera que l'amour d'un Italien vaut mieux que la galanterie d'un gentilhomme français. L'aventure du duc de Guise et de Christine de Suède eut son dénouement à Fontainebleau, dans le palais et dans le même appartement où nous nous retrouverons. 2 ans plus tard, l'Amazone du Nord rappelant au comte Maria Santinelli l'engagement qu'il avait pris en lui commandant un meurtre qui épouvanta la cour frivole du roi de France. Après avoir visité à Compiègne Anne d'Autriche, Louis XIV et le cardinal Mazarin, après avoir fait connaissance avec toutes les femmes de la cour, célèbres par leur galanterie et même parues dans les salons de la fameuse Ninon de l'Enclos, Christine s'était rendue à Fontainebleau, que Louis XIV lui avait donnée pour résidence. Le duc de Guise était resté attaché à sa personne, mais, malgré toutes ses tentatives, il n'était pas encore parvenu à renouer l'entretien si malencontreusement interrompu dans la forêt par le coup de pistolet du jaloux italien. Une nuit, Christine, qui avait donné à jouer dans la soirée et qui avait retenu fort tard la compagnie, allait se mettre au lit après avoir congédié ses femmes. Elle entend frapper quelques coups discrets aux vitres de sa fenêtre. Puis la fenêtre, qui n'était pas fermée, s'ouvre brusquement. Un homme s'élance, elle pousse un cri, c'est le duc de Guise. « Vous ici, à cette heure, monsieur le duc ? Eh, madame, depuis un mois, vous semblez fuir ma présence. » « Je n'y pouvais tenir, et je viens savoir en quoi j'ai mérité votre disgrâce, et de quelle faute je me suis involontairement rendu coupable. »« La faute, c'est celle que vous venez commettre, en pénétrant ainsi chez moi, au milieu de la nuit. Que diraient vraiment mes femmes si elles vous surprenaient ici ? Mais comment êtes-vous venu ?»« Par la fenêtre. Je le sais bien, mais pour atteindre cette fenêtre. Une échelle de soie. Il ne manquait plus que cela. Vous êtes fou. Fou d'amour pour vous, ma reine. Fou allié. » « Retirez-vous tout de suite, ou je sonne mes femmes, qui sont dans la chambre à côté. N'en faites rien, pour vous. Pour moi ? Sans doute, et le scandale dont vous parliez, que dirait la cour si vos femmes ébruitaient l'aventure ? Je suis sûre de leur discrétion. Ah, Christine, fit le duc en se jetant à ses pieds, vous ne m'avez jamais aimée, je le vois bien, et cependant, il y a 2 mois à peine, j'étais ainsi près de vous. » Vous me reteniez doucement au moment où je parlais de mourir sous vos yeux, si vous ne cédiez pas aux vœux de l'amant le plus tendre. « Et cette échelle de soie qui pend à ma fenêtre ?» interrompit la reine. « Il fait un clair de lune magnifique. On y voit dans le parc, comme en plein jour. Et si quelqu'un venant à passer, apercevait cet objet suspect ?» Elle courut à la fenêtre, décrocha l'échelle et la retira vivement à elle. Puis elle laissa tomber les rideaux. « Et nous ferons comme la reine de Suède. » Pendant toute la nuit, un homme, enveloppé d'un chapeau aux larges bords qui cachait ses traits, se promena dans les jardins sous les fenêtres de l'appartement de Christine. Caché dans un massif, il avait vu venir le duc de Guise. Il avait suivi tout son manège lorsque le gentilhomme avait lancé son échelle de soie aux ferrures du balcon. Il l'avait vu prendre d'assaut la place. Il avait enfin aperçu la blanche forme de Christine dans son coquet déshabillé lorsqu'elle était venue elle-même retirer l'échelle de soie. Maria Santinelli, au petit jour, assista à la retraite de son heureux rival. 20 fois, il fut sur le point de se jeter sur lui, et, sous son manteau, sa main pressait convulsivement le manche d'une dague florentine. « Maudite Suédoise » murmurait-il avec rage. « Démon du Nord ! Ah, je la verrai demain, je lui jetterai mon mépris et ma colère au visage !» Qu'elle livre ensuite, si elle veut, le parchemin au cardinal. Qu'elle me fasse arrêter, plonger dans les cachots de la Bastille, décapiter en place de grève, ou pendre comme un manant. Qu'importe, je serai vengée, car je dirai tout. Je la déshonorerai dans toute la cour, et cela fera plus d'éclat que les vers du cardinal Colonna et les Lazzi de Pasquin. Quand le duc de Guise eut disparu, il rentra enfin dans le palais, roulant dans sa tête 1000 projets de vengeance. Le lendemain, prétextant un des soins de son service de majordome, il se présenta devant la reine de Suède. Ses traits étaient bouleversés, et Christine ne s'y trompa pas. « Il sait tout, » pensa-t-elle. Elle lui coupa la parole au moment où sa rage allait éclater, sans respect pour la majesté royale. « Mon cher comte, » dit-elle alors de sa voix la plus douce, « il faut dès aujourd'hui vous occuper de tous les préparatifs. »« Quels préparatifs ?» répondit l'Italien, décontenancé par tant de calme et se demandant peut-être, tant l'illusion des cœurs bien épris est grande, s'il n'avait pas été la nuit précédente le jouet de quelque mauvais rêve. « Il faut tout préparer pour notre départ. Nous rentrons à Paris. Nous quittons la France. Que dites-vous ? Dans 15 jours, je veux me mettre en route pour l'Italie. » « Ah, ma reine, est-ce bien possible ? Quoi ? Vous êtes décidée à partir ? Rien ne vous retient donc dans ce pays ? » Sa figure était transformée. La joie y rayonnait maintenant. « Mais comme vous voilà émue, Santinelli, est-ce le bonheur de revoir votre patrie ? Envoyez aujourd'hui même un courrier à Rome pour que l'on prépare tout dans le palais Farnèse, car c'est là que je veux retourner. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez un frère ? Un ancien garde de sa sainteté. Je veux l'attacher à ma maison comme chef de mes gardes. c'est pour vous donner un nouveau témoignage de mon affection et de ma reconnaissance pour vos excellents services, et je ne m'en tiendrai pas là. Reine, j'ai besoin de votre pardon, car je suis un bien grand coupable. Ne parlons plus de votre faute. Ce n'est pas cela, si vous saviez, en venant ici, je roulais dans ma pauvre tête mille folies. Je ne veux rien savoir, mon cher Maria. Vous êtes toujours le meilleur de mes serviteurs. Prouvez-le-moi, une fois de plus, en exécutant sur l'heure les ordres que je viens de vous donner. » Quand le comte Santinelli se fut retiré, Christine de Suède murmura « C'est bien lui qui était dans le parc. Je ne m'étais pas trompée. Pauvre Santinelli. Il avait sans doute passé toute la nuit à épier le départ du duc de Guise, qu'il a échappé belle, une seconde fois. » 5. À Venise, les jeux de l'amour et du hasard, où Monaldeschi fait son apparition. En quittant la France pour se rendre à Rome, Christine prit par le plus long. Elle gagna d'abord Turin, puis elle résolut de visiter Venise, dont on lui avait déjà refusé l'entrée sous prétexte de contagion et de peste. Mais Venise était en ce moment en guerre contre les Turcs, et le doge, auquel elle écrivit pour lui demander l'autorisation de pénétrer sur le territoire de la Sérénissime République, jugea que l'argent qui serait employé dans les fêtes commandées par la présence de la reine de Suède recevrait une destination plus utile, en servant à l'achat de canons, de poudre et à l'armement des galères. Christine, dont l'imagination s'était enflammée en lisant la description des fêtes de Venise, des promenades sur le Lido, des joutes, des mœurs étranges de la ville aux 100 canaux, de ces nuits de la place Saint-Marc, où nobles, marchands, moines, grandes dames voilées ou masquées, courtisanes audacieusement parées, se mêlent, s'agitent, nouent et dénouent les intrigues de la galanterie, aux lueurs des girandoles, au bruit des concerts et des sérénades en plein vent. Christine jura qu'elle pénétrerait dans la cité défendue à la barbe du doge, du conseil des 10, de leur bravi, de leurs espions et du lion de Saint-Marc. Elle prit le comte Maria Santinelli pour confident de son projet et pour complice de l'escapade qu'elle avait méditée. Celui-ci, entrevoyant dans l'aventure des incidents imprévus qui pouvaient hâter l'instant du bonheur dont la reine avait fait briller plus d'une fois l'espoir à ses yeux, sans l'avoir réalisé encore, accepta de lui servir de compagnon. Ils gagnèrent un petit port de l'Adriatique. Là, Christine et le comte Santinelli prirent des habits de matelot, et le patron d'une tartane, auquel ils comptèrent une bonne somme, consentit à les conduire à Venise. 3 jours après, les deux matelots, ou plutôt le faux matelot et le faux mousse, car Christine de Suède, avec sa petite taille, avait l'air d'un enfant sous son costume de marin, débarquèrent sur le quai des Esclavons sans attirer l'attention des sbires chargés de surveiller l'arrivée des étrangers. Ils furent prendre un logement dans une hôtellerie de 3e ordre, où Christine eut soin de choisir une chambre très éloignée de celle qu'elle fit donner à Santinelli. Et comme le pauvre comte se désolait de cette rigueur, lui faisant humblement remarquer que, si quelque danger venait à la menacer pendant la nuit, dans cette auberge assez mal hantée, il serait impuissant à protéger sa reine, Christine lui déclara que c'était à prendre ou à laisser. Qu'il n'était qu'un ingrat, incapable d'apprécier la faveur et la confiance dont elle l'honorait, en l'associant comme elle l'avait fait à sa folle équipée, que, s'il ne se résignait pas à lui servir de patito, en attendant leur retour au palais Farnèse, elle lui rendrait sa liberté, aimant mieux se priver de ses précieux services que de conserver près d'elle un jaloux morose qui troublait tous ses plaisirs. Maria Santinelli, qui avait passé, comme nous l'avons vu, par de beaucoup plus dures épreuves, ne souffla mot et prit son mal d'amour en patience. L'épreuve de Venise ne dura pas d'ailleurs trop longtemps. Au bout de quelques jours, la capricieuse reine se lassa de ses promenades en gondole, de ses stations nocturnes sur la place de Saint-Marc, au milieu d'une foule de gens qui avaient l'air de s'amuser énormément, tandis que personne ne faisait attention à ce petit matelot qui suivait d'un si singulier regard les jeunes seigneurs et les beaux couples amoureux. Ce fut par un coup d'éclat, un dénouement inattendu, qu'elle finit sa mascarade. « Monsieur le comte Maria Santinelli, dit-elle un matin à son compagnon qui venait demander ses ordres, il y a aujourd'hui, à ce que j'ai appris, gala chez le cardinal Parocchi, nonce du pape, l'ambassadeur de France, monsieur de Cursay, un grand nombre de patriciens et de nobles dames doivent s'y trouver. Allez, je vous prie, me louer la plus belle gondole que vous trouverez sur le quai des Esclavons, dans le Canale Grande, et vous l'amènerez près d'ici. » Maria Santinelli ouvrit de grands yeux et l'écoutait sans rien comprendre. « M'avez-vous entendu, comte ? Mon intention est de me présenter ce soir chez sa grandeur, le nonce. On dit des merveilles de son palais et des préparatifs de la fête. C'est vous qui m'accompagnerez. » « Quoi ? Chez sa grandeur ? Dans un palais ? À une fête où se trouvera l'ambassadeur de France ? Et sous ce costume ? » ajouta-t-il en jetant un regard piteux sur son vêtement de toile bleue et sur ses gros souliers de matelot. « Nous changerons de costume, si vous y tenez absolument. » « Mais comment faire ? Nous n'avons pas emporté avec nous la moindre garde-robe. » « Ah, que vous avez donc une pauvre imagination ! Avec de l'or, dans une demi-heure d'ici, nous aurons tout ce qu'il faut, vous et moi, pour nous présenter convenablement à Monseigneur Parocchi et à la noble compagnie réunie dans son palais. » « Mais le doge, objecta le comte, que va dire le doge s'il apprend que, malgré son refus, vous êtes venu à Venise, vous avez bravé ? Avez-vous peur qu'il ne vous fasse coudre dans un sac de cuir et précipiter dans le canal Orfano ? « Je tremble pour votre majesté. » Et surtout pour votre peau. Je cours chercher la gondole, puisque ma reine le veut absolument. Découvrez en même temps quelques marchands qui aient pour vous et pour moi des vêtements convenables. J'ai apporté avec moi une de mes parures de diamants. Il faut que Venise ne parle pendant un mois que du coup de théâtre que nous allons lui montrer. Le soir même, le palais du cardinal Parocchi était éclairé à Giorno. Au bas de l'escalier de marbre blanc que baignaient les eaux du Canale Grande, une longue file de gondoles déposait les invités. Son éminence, le cardinal Parocchi, recevait lui-même ses nobles visiteurs dans une vaste salle pleine de lumière, de fleurs et de parfums, lorsqu'on vint lui dire qu'il y avait sous l'atrio une grande dame qui ne voulait pas se présenter dans son palais, quoiqu'elle y eût toutes sortes de droits, sans avoir eu avec lui un moment d'entretien. Le cardinal Parocchi, se dérobant un instant à ses devoirs d'amphitryon, passa dans une pièce réservée et fit prier la dame de monter. Dès qu'il aperçut Christine, il ne put retenir un cri de surprise. « La reine de Suède, à Venise, père Bacco, je me demande si je rêve. »« Votre éminence est parfaitement éveillée. »« Votre majesté arrive donc à l'instant ?»« Ma majesté est à Venise depuis 8 jours, mais je périssais d'ennui sous mon costume de matelot. » « Sous votre costume de matelot ?» interrompit le nonce, qui allait de surprise en surprise. « Oui, je vous conterai cela, mais gardez le plus profond silence sur ce détail, et présentez-moi sur l'heure à votre illustre compagnie. » Elle s'empara du bras de l'éminence qui, tout étourdie de l'aventure, la conduisit dans la galerie où se pressait déjà une foule d'invités. En entrant dans la galerie, Maria Santinelli, qui avait reçu ses instructions, prononça ces mots d'une voix retentissante. « Sa Majesté, la reine Christine de Suède !» Il y eut un moment de stupeur, car on connaissait le refus du doge. Puis, tout le monde se précipita pour voir cette reine dont les excentricités fatiguaient les sans-voix de la renommée. Ce fut une véritable cohue. Toute étiquette avait disparu. On se poussait sans tenir compte des rangs et des dignités. Les dames n'étaient pas le moins empressées. Et dans la bagarre, il y eut plus d'une robe de brocart, plus d'une étoffe de soie, plus d'un voile et d'une dentelle de poing déchirée. Enfin, les officiers de bouche vinrent annoncer que le festin était servi. Christine y fut installée à la place d'honneur et se montra d'une gaieté étourdissante. Elle se rattrapait de ses 8 jours d'incognito. Pour expliquer son arrivée à Venise et le séjour qu'elle y avait fait, à l'insu du gouvernement de la Sérénissime République, elle imagina les plus folles et les plus invraisemblables aventures. Mais, avant la fin du banquet, elle prétexta un léger malaise produit par la chaleur des bougies pour se retirer un instant dans un cabinet. Maria Santinelli l'y suivit et le nonce l'y accompagna. « Je remercie votre éminence, dit-elle, de l'hospitalité qu'elle a bien voulu accorder à une majesté errante. Mais je dois vous quitter sur l'heure. Adieu, nous nous reverrons peut-être un jour à Rome. Pourquoi ne me faites-vous pas l'honneur, reine, de rester jusqu'à la fin du banquet ? « Pourquoi ? Parce que j'ai vu certains de vos convives, dont la physionomie ne me revient pas, et qui est certainement un des espions du doge, sortir de la salle sans être remarqué. Il est sans doute allé prévenir la police, et je ne veux pas m'exposer à des tracasseries indignes de moi. « Que craignez-vous ? Vous êtes chez le nonce de sa sainteté. Le palais de l'Annonciature est un asile sacré. Vous pouvez y demeurer dans la sécurité la plus complète, autant de temps que vous voudrez. »« Non !» fit-elle en riant. « Les meilleures farces sont les plus courtes. Je vois d'ici la figure de ce pauvre doge quand il apprendra que l'oiseau royal s'est envolé. Adieu, monsieur le nonce. Comte Santinelli, votre bras ?» Elle descendit précipitamment le grand escalier du palais sans écouter les instances du nonce, fit avancer sa gondole, rentra à l'auberge, et la nuit même, le patron de la tartane mettait à la voile avec son faux matelot et son petit mousse de contrebande. La reine Christine est de nouveau installée au palais Farnèse. Mais le pauvre Santinelli continue à être le plus malheureux des soupirants. Ses affaires n'avancent pas. On dirait qu'un malin génie s'est attaché à sa fortune pour le contrarier et lui susciter quelques rivales au moment même où il va toucher à la réalisation de ses vœux les plus chers. Pendant la première semaine de son retour à Rome, Christine s'était montrée charmante pour le comte. Elle le retenait souvent auprès d'elle et, sans trop le décourager, elle écoutait ses protestations d'amour qu'il savait habilement faire accepter grâce à toutes les souplesses de la langue italienne. Une circonstance semblait d'ailleurs devoir favoriser cette fois l'entreprise de Maria Santinelli. Un grand changement s'était opéré en l'absence de Christine dans la société romaine. Alexandre VII, sous l'influence du cardinal Benoît Odescalchi, essayait de réformer les mœurs de la capitale du monde catholique. Une ordonnance de la police pontificale venait de défendre au directeur de théâtre de faire paraître sur les planches aucune comédienne, cantatrice ou danseuse. Pour les opéras, les ballets et les comédies, on avait imaginé de remplacer les femmes par des jeunes gens ou des castrats déguisés, ce qui était évidemment beaucoup plus moral. Le cardinal Benoît Odescalchi n'avait toujours pas été aussi rigoriste. Christine, dans ce même palais Farnèse, l'avait vu, la face enluminée, les yeux brillants, applaudir des deux mains de jolies danseuses, court vêtues, qu'elle avait fait venir de France à Rome pour représenter un ballet des plus galants. Elles étaient parées d'attributs mythologiques et formaient des groupes dont son éminence, loin de se montrer scandalisée, avait admiré en connaisseur la belle ordonnance. La société romaine se ressentait déjà des réformes entreprises par le cardinal. Elle tournait au rigorisme. Les fêtes étaient moins nombreuses et Christine commençait à regretter Paris et Fontainebleau. Elle ne sortait presque pas de son palais, que le comte Santinelli s'efforçait de lui rendre le plus agréable possible, s'ingéniant à inventer chaque jour pour lui plaire quelques nouvelles distractions. Mais il était écrit que tout tournerait contre lui, même les soins qu'il prenait pour distraire et charmer sa reine capricieuse. Un soir, une brillante compagnie remplissait les jardins du palais Farnèse, illuminés à Giorno. La clarté des girandoles et des lanternes accrochées aux arbres, disposées au milieu des massifs de verdure, se reflétait dans les bassins de marbre où les jets d'eau, en retombant, faisaient entendre un frais murmure. De temps en temps, des violons, cachés sous un berceau de laurier rose, modulaient quelques airs plaintifs ou joyeux et, sur le sable des allées, les invités se promenaient aux doux accords de l'orchestre invisible en attendant le feu d'artifice et la collation qui devait terminer la soirée. Tout absorbé par les soins que lui imposaient ses fonctions de majordome et le désir qu'il avait de se rendre agréable à la reine de Suède, éveillant à tous les détails de la fête, le comte Santinelli avait perdu de vue l'auguste dame de ses pensées, lorsqu'en passant près d'un massif d'orangers, il entendit parler à voix basse. Le lieu était assez obscur. Il y régnait une ombre mystérieuse. Santinelli s'approcha doucement et il entrevit un groupe de deux personnes assises sous les orangers. Comme les violons, placés d'ailleurs à l'autre extrémité des jardins, cessaient en ce moment de jouer, ces mots frappèrent son oreille. Que votre majesté me pardonne l'audace de mon aveu. Elle est tellement au-dessus de toutes les femmes. Elle est placée si haut dans l'admiration des humbles mortels que l'on peut tout lui dire, comme à une divinité, sans qu'elle s'offense de nos faiblesses. Reine, si c'est un crime de vous aimer, je suis le plus criminel des hommes. Mais le bonheur que je ressens rien qu'à vous peindre les sentiments de mon cœur, je le paierais volontiers de mon sang si vous m'accordiez de le verser pour me punir moi-même de ma témérité. Le comte ne put en entendre davantage. Quelques invités se dirigeaient vers lui. Il s'éloigna rapidement, la rage dans l'âme. « Quelle figure bouleversée vous avez, mon cher comte !» lui dit la duchesse Cornelia Romagnoli, qu'il avait failli heurter en passant près d'elle, sans la voir. Au même instant, Christine parut dans l'allée, s'appuyant sur le bras d'un jeune seigneur. Savez-vous le nom de la personne qui accompagne Sa Majesté ? Dit le comte Santinelli à la duchesse Cornelia. Mais c'est Dom Bénigne. Dom Bénigne, surnommé l'Adonis, un Napolitain et le plus beau des Napolitains, arrivé depuis 3 mois, dont toutes les femmes se disputent les faveurs. Mais, ajouta en riant d'une singulière manière la duchesse Cornelia, si elle savait de quoi il retourne, elle serait bien moins empressée auprès de l'Adonis. Que voulez-vous dire par là, duchesse ? Ah, c'est mon secret. Ne peut-on pas le connaître ? Êtes-vous jaloux de lui ? Craignez-vous qu'il vous supplante auprès de cette capricieuse majesté à la fortune errante de laquelle vous vous êtes attaché ? Je suis en effet le plus infortuné des amants, en expectative. Hélas, toujours en expectative, ce pauvre Santinelli. Eh bien, écoutez-moi. Si le péril devient menaçant, si vous voyez Dom Bénigne trop assidu au palais Farnèse, venez me trouver, ou faites-moi prévenir par un message. J'irai trouver Christine de Suède, et d'un mot, d'un seul mot, je la guérirai de sa passion pour le séduisant Napolitain. Ce mot, ne pouvez-vous me le dire à moi, tout de suite ? Ah, pour cela non ! S'écria encore, avec un éclat de rire, la duchesse Cornelia. Devinez si vous pouvez, vous n'en saurez pas davantage. Elle laissa le comte fort intrigué et se demandant quel était ce mot qui détacherait immédiatement Christine de Dom Bénigne, si celui-ci poursuivait à fond l'entreprise qu'il avait commencée sous les orangers du palais Farnèse. Dom Bénigne revint au palais le lendemain et fut reçu en tête-à-tête par la reine de Suède. Il y revint les jours suivants. Santinelli courut chez la duchesse Cornelia pour lui conter son souci et la prier de tenir la promesse qu'elle lui avait faite. La duchesse était partie pour une villa qu'elle possédait dans les marches et ne devait pas rentrer à Rome avant 1 mois. Le comte fut au désespoir. Les souvenirs de Fontainebleau, du duc de Guise, de l'escalade, du balcon n'étaient pas faits pour calmer ses inquiétudes. Il se demandait, pendant les longues visites du Napolitain au palais Farnèse, ou lorsque Christine sortait en carrosse, accompagnée seulement de quelqu'une de ses femmes, s'il ne serait pas trop tard lorsque la duchesse Cornelia rentrerait à Rome. Il chercha alors des distractions à son chagrin. Il les chercha dans le jeu où nous avons dit qu'il s'était ruiné avant de se mettre au service de Christine. Le jeu était sévèrement défendu à Rome. Mais, malgré la police pontificale, ou peut-être sous la tutelle occulte de cette police et moyennant redevance, il existait des tripots tenus par des aventuriers, des entremetteurs ou des courtisanes, où l'on pouvait passer la nuit à manier les cartes et à faire rouler les dés sur le tapis vert. Santinelli les connaissait tous pour y avoir mangé son patrimoine en joyeuse compagnie. D'abord, comme nous l'avons dit, il y chercha une distraction à la jalousie que lui inspirait ce maudit Dom Bénigne. Puis, son ancienne passion se réveilla et, chaque soir, il quittait furtivement le palais Farnèse pour se rendre près de la porte du peuple dans une maison de sordide apparence où un certain Pancraccio donnait à jouer, ajoutant au charme de la bassette, du lansquenet, du passe-dix et du pharaon, ceux d'une demi-douzaine de beautés vénales chargées de consoler les joueurs malheureux et d'alléger les heureux des scudis dont leurs poches étaient remplies. La fortune sourit les premiers jours au majordome de la reine de Suède. Le proverbe était encore une fois justifié. Malheureuse en amour, heureuse au jeu. Parmi les habitués de la maison du signor Pancraccio se trouvait un jeune Florentin qu'on appelait le marquis de Modaldeschi. C'était un très joli et très élégant cavalier, paraissant jouir d'une grande fortune, faisant rouler l'or avec profusion, indifférent au gain comme à la perte, prodigue avec les femmes qui raffolaient de lui. Une instinctive antipathie s'était manifestée entre Santinelli et Monaldeschi dès leur première rencontre. Cependant, leur passion pour le jeu les avait rapprochés plus d'une fois. Mais, au moindre incident de la partie engagée, ils échangeaient quelques paroles acrimonieuses et l'on sentait qu'il faudrait peu de choses pour les amener à une scène de violence. Nous avons dit que le signor Pancraccio avait jugé utile aux intérêts de son tripot de l'orner de beauté vénale. Au nombre de ces nymphes, aux regards hardis et provoquants, aux propos lestes, une des plus jeunes se faisait remarquer par un certain air de modestie, une attitude réservée qui contrastait singulièrement avec les allures de ses compagnes. On l'appelait Diane, et comme elle servait de modèle à quelques peintres, Un de ceux-ci, qui fréquentait la maison de Pancratio, avait eu la fantaisie de faire le portrait de la jolie Diane, caressant un grand lévrier couché à ses genoux, rappelant ainsi la Diane chasseresse, dont elle portait le nom. Ce portrait, peint sur un panneau, ornait la salle où se tenaient les joueurs. Une nuit que Santinelli avait perdu son dernier écu, empoché précisément par le marquis Monaldeschi, il allait se retirer dans ses mauvaises humeurs pour regagner le palais Farnèse, pestant contre le jeu, contre son adversaire, contre l'amour, les femmes, les reines fantasques qui encouragent et désespèrent tour à tour leurs adorateurs. Lorsqu'en traversant le salon, où d'autres joueurs plus heureux que lui donnaient un instant de repos à leurs veines, en devisant joyeusement avec les courtisanes, il aperçut seul à l'écart, sur un canapé, la belle Diane, dont il avait plusieurs fois admiré le portrait. Il savait qu'elle attendait Monaldeschi. Celui-ci, quelques instants auparavant, l'ayant invité à haute voix à un medianoche qu'il donnait la nuit même à ses amis. Le comte Santinelli eut une mauvaise pensée. Il fut s'asseoir auprès de Diane et se mit à lui débiter, d'un air passionné, toutes les galanteries qui lui passèrent par la tête. Puis, voyant s'approcher l'heureux Monaldeschi, il dit à la courtisane, qui n'y comprenait rien, « Ainsi, ma charmante Diane, c'est convenu, je vous emmène, ou plutôt je vous enlève. » En même temps, il la força doucement à se lever et fit mine, tout en riant, de l'entraîner vers la porte. « Pardon, comte !» s'écria Monaldeschi en s'interposant entre lui et Diane. « La signora ne peut vous suivre, elle est engagée avec moi. »« Qu'est-ce à dire ?» répliqua avec hauteur Maria Santinelli. « La signora n'est donc pas libre de choisir qui lui plaît ?»« Je vous répète que Diane est engagée avec moi pour cette nuit. Je ne vous défends pas de briguer ses faveurs plus tard, quand elle sera libre. » Et quand vous pourrez y mettre le prix. » Santinelli pâlit sous l'insulte et s'avançant vers le marquis. « Ah ! Fit celui-ci, si c'est une querelle que vous cherchez et une occasion de tirer l'épée, il fallait me le dire tout de suite. Je suis à vos ordres. » « Quand vous voudrez. » « Sur l'heure même, le seigneur Pancratio nous prêtera son jardin. » « Miséricorde ! » s'écria d'un air piteux Pancratio, qui était accouru au bruit de la dispute. « Vous voulez donc me ruiner, faire fermer ma maison ?» Sans l'écouter, les deux adversaires descendirent dans le jardin, accompagnés de deux joueurs décavés, tirèrent l'épée et se mirent en garde. Le jour commençait à poindre. « Allez !» dirent les témoins. Ils engagèrent le fer. Santinelli attaqua furieusement, précipitant ses coups. Le marquis, qui possédait tout son sang-froid, parait avec méthode en se tenant sur la défensive. « Je crois, monsieur le marquis, que vous voulez me ménager. C'est fort imprudent à vous, car je vous tuerai, si je le puis. » Il avait à peine achevé ces mots que son adversaire, qui le tâtait, allongea imperceptiblement le bras. L'épée de Monaldeschi le toucha à l'épaule, le sang jaillit. Revenant aussitôt à la parade, Monaldeschi lia le fer et, par un brusque choc, fit voler à 10 pas l'épée du comte Santinelli. Prompt comme l'éclair, Monaldeschi s'élança, mit le pied sur l'épée et, se tournant vers Santinelli, il lui dit, du ton le plus poli, « Monsieur le comte, en voilà assez pour aujourd'hui. » Le lieu n'est pas d'ailleurs convenable pour des gentilshommes, et j'aurais été honteux de vous couper la gorge dans un endroit aussi suspect. Mais quand il vous plaira, je vous donnerai votre revanche, à l'épée, aux cartes ou aux dés, à votre entière convenance. » Il le salua courtoisement et courut rejoindre la courtisane et ses amis qu'il avait conviés à un medianoche, transformé en un déjeuner matinal, car le soleil était déjà levé quand ils débouchèrent les flacons de vin d'Orvieto. Le comte Maria Santinelli garda 8 jours le lit des suites de sa blessure. Une des femmes du palais Farnèse, attachée à la personne de Christine de Suède et qu'il avait gagnée à ses intérêts par quelques riches cadeaux, le tenait exactement au courant de tout ce qui se passait dans les appartements particuliers de la reine. Il apprit par cette femme que Dom Bénigne venait tous les soirs au palais, qu'il y restait quelquefois fort tard et qu'il paraissait au mieux avec la reine. Connaissant l'humeur de Christine, se rappelant les histoires que la chronique racontait de ses liaisons galantes avec la Gardie, Pimentel, Bourdelot, et surtout l'aventure de Fontainebleau avec le duc de Guise, il ne pouvait malheureusement avoir aucun doute sur le dénouement de son intrigue avec ce maudit Dom Bénigne, et cette pensée n'était pas de nature à calmer la fièvre qui le dévorait. Son imagination lui représentait sans cesse celui que la duchesse Cornelia appelait l'Adonis napolitain au pied de Christine dans un enivrant tête-à-tête. et comme pour se tourmenter lui-même, il évoquait toutes les voluptueuses images d'un entraînement partagé et de deux cœurs bien épris, s'abandonnant sans contrainte à leur doux penchant. La fièvre cependant finit par le quitter. La blessure que lui avait faite l'épée de Modaldeschi était fermée et il lui semblait que celle de son cœur commençait à se cicatriser. Il y avait double guérison. C'est le propre des passions de s'allumer ou de s'éteindre sans qu'on sache jamais trop pourquoi. Ce sont souvent les plus fortes, les plus impétueuses, qui disparaissent le plus rapidement. Comme des feux mystérieux, elles embrassent et dévorent l'âme et consument si bien la partie inflammable à laquelle elles se sont attachées qu'après ce bel incendie, il ne reste plus que des cendres. Le 8e jour, Sentinelli sortait du palais Farnèse. Il éprouva un bien-être indéfinissable de revoir le soleil et de respirer le grand air. Les femmes qu'il remarquait sur son passage lui paraissaient plus jolies les unes que les autres, le ciel plus bleu qu'auparavant. Il était dans une de ces dispositions d'esprit où tout nous apparaît pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Il aurait rencontré ce jour-là Don Bénigne en personne qu'il n'eût ressenti à sa vue aucun sentiment de dépit ou de jalousie. « J'étais vraiment fou, dit-il, de poursuivre cette entreprise, par ambition peut-être plus que par amour. Être aimé d'une reine, la belle affaire, après tout, quand elle ne peut pas vous faire roi. » Il y a des instants, et ce sont les plus agréables de la vie, où toutes les femmes se valent quand elles sont également jolies. J'en ai vu plus d'une, parmi les belles filles que le signor Pancraccio collectionne pour l'agrément de ses habitués, qui seraient dignes de régner à Paphos, à commencer par la chaste Diane, à l'occasion de laquelle le marquis Modaldeschi m'a servi un coup d'épée. Tout en devisant ainsi, il était sorti de la ville par la porte Saint-Sébastien. La Via Appia se déroulait devant lui. La fantaisie lui prit de faire une promenade dans la campagne. Un groupe de jeunes seigneurs vint à passer. « Le comte Maria Sentinelli !» s'écria l'un d'eux en le reconnaissant. C'était le gentilhomme, le joueur décavé qui lui avait servi de témoin dans son duel. « Vous voilà donc complètement remis de votre blessure ?»« Une simple égratignure. »« Venez avec nous. »« De quoi s'agit-il »« D'une partie de plaisir dans un cassin que je possède de ce côté. Il y aura de joyeuses filles. Et tenez, justement, j'ai invité la signora Diane. C'est une occasion de prendre votre revanche. » Et, sans lui donner le temps de répondre, les joyeux compagnons l'entraînèrent vers le cassin dont on apercevait le toit rouge derrière un bouquet d'oliviers. Nous laisserons le comte Maria Sentinelli sur la Via Appia pour retourner au palais Farnèse. À peine sortait-il du palais qu'une chaise aux armes de Romagnoli, portée par deux laquais galonnés sur toutes les coutures et précédée d'un valet de pied, pénétrait dans la cour d'honneur. C'était la duchesse Cornelia, de retour depuis deux jours de sa villa, qui se rendait en visite auprès de la reine Christine. Décidément, Maria Sentinelli n'avait pas de chance. Ce qui nous reste à raconter va nous le démontrer d'une manière surabondante. La duchesse Cornelia s'était intimement liée avec Christine lors du premier séjour à Rome de la reine de Suède. Une grande conformité d'humeur et de caractère les avait rapprochées. Même originalité, même indépendance d'esprit, même liberté d'allure, même bizarrerie, même singularité. Les aventures galantes, les escapades de la duchesse Cornelia avaient fait à Rome autant de bruit que celles de la reine de Suède en Europe. « Ah, que je suis aise de vous voir !» s'écria Christine en l'accueillant avec les démonstrations de l'amitié la plus vive. « Mais qu'êtes-vous devenue depuis un mois ? Car il y a bien un mois que je ne vous ai aperçue. » Je partis pour mes terres des marches le lendemain de cette fête de nuit que vous donnâtes dans les jardins du palais. Et je ne suis de retour que depuis deux jours. « Ma première visite est pour vous. »« Vous êtes toujours ma meilleure et ma plus fidèle amie. »« Et je viens vous en donner une preuve nouvelle. »« Entre nous, ma belle Cornelia, il n'en est plus besoin. »« Mais il faut que vous me permettiez de vous parler en toute franchise. »« N'est-ce pas ainsi que nous nous parlons habituellement ?»« Christine, ma reine, » dit la duchesse Cornelia en hésitant un peu, « où en êtes-vous de votre liaison avec Don Bénigne ?» La question était si inattendue que Christine en fut un instant interdite. « Vous ne voulez pas me répondre, je suis indiscrète. »« Et pourquoi ne vous répondrai-je pas ? Mais d'abord, laissez-moi m'étonner que vous ayez été aussi bien instruite pendant votre absence de ce qui se passait à Rome, des assiduités de Don Bénigne au palais Farnèse et des sentiments qu'il me témoigne. Car je ne veux rien vous cacher, ma chère Cornelia. Dom Bénigne m'a fait l'aveu de son amour, et je puis compléter ce que vous savez de son entreprise en vous avouant que je ne l'ai point découragé. Mais, encore une fois, qui vous a si bien informé? Aviez-vous donc chargé quelqu'un de vous instruire de la chronique du palais Farnèse ? Ainsi, Dom Bénigne, dit la duchesse, sans répondre à ses questions et en appuyant un peu sur les mots, comme quelqu'un qui veut donner à ses paroles un sens plus précis que celui qu'elles paraissent avoir. Ainsi, Dom Bénigne a désormais quelques droits sur votre cœur, et vous avez complètement abdiqué à Rome en faveur de l'Adonis, car vous savez qu'on l'a surnommé l'Adonis, cette chère liberté que vous avez payée à Stockholm au prix d'une couronne. Ah, interrompit Christine, vous allez trop vite. Je vous ai dit que Dom Bénigne me faisait sa cour, que je ne l'avais pas trop découragé, mais je suis libre encore. Mon abdication n'est pas signée de la manière que vous l'entendez. J'en étais sûre, s'écria la duchesse Cornelia au milieu d'un éclat de rire. J'en étais sûre, il n'en fait jamais d'autre, l'Adonis. Et elle s'abandonna à un accès de folle gaieté à la grande surprise de Christine. « Mais enfin, fit celle-ci, que voulez-vous dire? Que signifie cette hilarité? De grâce, ma chère Cornelia, expliquez-vous. » La duchesse eut quelque peine à se remettre de son accès. « Je vais vous donner, lui dit-elle, enfin, non seulement une preuve de mon amitié, mais encore une rare preuve de confiance, en vous parlant d'abord de moi. Mais il faut que je commence par vous raconter ce qui s'est passé le soir de cette fête, c'est-à-dire la veille de mon départ pour ma villa, entre le comte Maria Santinelli et moi. » Maria Santinelli, je m'en doutais, c'est lui, c'est encore lui qui ose se mêler des affaires de sa souveraine. Cette fois, je ne lui pardonnerai plus. Ne vous pressez pas de l'accuser. Il sait pourtant que j'ai entre les mains de quoi le perdre. Le comte Santinelli vous aime, je le sais, mais je vous le répète, il n'a mérité en rien votre disgrâce dans cette circonstance. Écoutez et vous jugerez. C'est pendant cette fête que vous vîtes pour la première fois Dom Bénigne. Le comte l'avait surpris à vos genoux, dans un bosquet. Puis, vous vous promenâtes, au bras de l'Adonis, dans la grande allée. Le comte vint à moi, la figure bouleversée. « Savez-vous le nom de cet étranger ? » me dit-il. « C'est, lui répondis-je, un seigneur napolitain, Dom Bénigne, arrivé depuis 3 mois, et dont toutes les femmes se disputent les faveurs. Mais, ajoutai-je en riant, si elles savaient de quoi il retourne, elles seraient beaucoup moins empressées. » Le comte paraissait si désespéré de l'attention que vous sembliez prêter au bel étranger que je lui dis encore « Êtes-vous jaloux de lui ? Eh bien, si le péril devient menaçant, si vous voyez Dom Bénigne trop assidu au palais Farnèse, venez me trouver, et d'un mot, d'un seul mot, je guérirai votre reine de sa passion pour le séduisant napolitain. » Le lendemain, vous le savez, je quittai Rome. Je n'ai donc pas revu Maria Santinelli. Mais à mon retour, j'ai trouvé toute la société romaine occupée de ce que l'on appelle votre intrigue, et je suis venu spontanément, par pure amitié, sans que le comte Santinelli soit pour rien dans ma démarche. Vous prévenir contre un péril, ou plutôt contre la plus maussade, la plus triste des aventures. Mais vous me faites mourir de curiosité et de dépit avec cette longue énigme, interrompit Christine. Voyons le mot. Le mot serait un peu cru. Il vous sera facile de le deviner, en me prêtant encore un instant d'attention. Il y a 3 mois, quelques semaines avant votre arrivée à Rome, Dom Bénigne, à peine débarqué de Naples, se mit à me faire la cour. « Nous y voilà, fit Christine. Vous êtes jalouse de mon soupirant, ma belle duchesse. Il fallait le dire tout de suite. Je sais ce que l'amitié nous commande. Je vous rends votre sigisbée. » La duchesse Cornelia fit une petite moue fort comique et poursuivit. Dom Bénigne me faisait donc une cour très assidue, très pressante, et je vous avouerai franchement que je n'y étais pas insensible. Mais je me tenais un peu sur mes gardes, me figurant, au feu qu'il y mettait, à l'expression de son visage, à l'ardeur de ses paroles, à l'éclat de ses regards, qu'avec lui il n'y avait pas d'escarmouches à livrer, sous peine d'éprouver une défaite complète. Cependant, à se garder toujours, on finit par se fatiguer. Un jour, Dom Bénigne était venu, comme d'habitude, me faire sa cour. Nous étions seuls, dans mon cabinet. Il se jeta à mes genoux, me jura que je serais cause de sa mort, que mes rigueurs le réduisaient au désespoir, que j'étais la seule femme qu'il eût jamais aimée, que la passion qui le dévorait finirait par troubler sa raison et le pousser à quelque folie, que jour et nuit mon image le poursuivait. Et, tout en parlant, il couvrait de baisers une de mes mains dont il s'était emparé. Et je sentais ses larmes, de véritables larmes, coulait sur son beau visage, expressif dans la douleur. Je vous avoue, ma reine, que je commençais à me sentir émue. Tandis qu'il me débitait tous ses sentiments d'une voix qui me pénétrait malgré moi, je roulais machinalement dans la main qu'il me laissait libre un billet que ma camériste m'avait remis un instant avant l'arrivée de Don Bénigne et que je n'avais pas eu le temps de lire. En se détournant de lui, mes yeux se portèrent par hasard sur ce papier tout chiffonné. Deux mots frappèrent ma vue. Don Bénigne. Il était donc question de lui dans ce billet. Je fis un effort, je me dégageai de l'étreinte passionnée du galant. « Pardonnez-moi, lui dis-je, mais toutes vos folies m'ont fait oublier une affaire des plus sérieuses. Donnez-moi un instant de répit et je reviens à vous. » Je m'approchai des bougies et je lus le billet. « Tenez, ma reine, le voici. » La duchesse tira alors un billet de son corsage et en donna lecture à Christine. « Madame, ce n'est ni le dépit ni la jalousie qui me dicte ma démarche. Toutefois, je mentirais si je n'avouais pas que le sentiment de la vengeance n'y est pas pour quelque chose. » Vous ne vous en plaindrez pas d'ailleurs, puisqu'elle vous épargnera une grande confusion. Don Bénigne compromet votre réputation par ses assiduités. On dit déjà partout qu'il est votre amant. J'ai la certitude qu'il n'en est et n'en sera rien. Sans doute vous trouveriez dans les soins et le dévouement d'un galant homme d'ample compensation aux médisances du monde. Mais avec celui qui feint avec vous un amour dont il est incapable, il n'y a pas de compensation possible. Don Bénigne renouvelle à Rome la comédie qu'il a jouée avec les grandes dames de Naples. S'il a quitté cette dernière ville pour venir donner ici ses représentations, c'est que là-bas, son répertoire commençait à être trop connu. L'Adonis est comme le volcan de son pays. Sous ses feux, il n'y a que des cendres. Ne pouvant être, il veut paraître. L'apparence le console de la réalité absente, et son amour-propre sacrifie sans pitié. Et sans profit, celles qui ont la simplicité de se laisser afficher par lui. On dit partout que vous avez l'âme bonne et l'esprit indulgent. Vous pardonnerez peut-être à Don Bénigne. S'il en est ainsi, ne vous arrêtez pas en si beau chemin, et recommandez-le à son éminence le cardinal Benoît Odescalchi. L'Adonis a tous les titres possibles pour figurer parmi les chanteurs de la chapelle Sixtine. Croyez-en l'expérience de celles qui ne signent pas. Je restai un instant confondu, poursuivit la duchesse Cornélia, après avoir achevé sa lecture. Je ne savais quel parti prendre et comment me tirer de cette ridicule situation. Je levai les yeux sur Don Bénigne. Il vint à moi, et d'une voix pleine de douceur. « Vous êtes ému, me dit-il. Vous est-il arrivé quelque mauvaise nouvelle ?» Une idée folle me passa alors par l'esprit. Au point où nous en étions, avant que le hasard m'eût fait jeter les yeux sur cette étrange lettre, il fallait peu de choses pour m'engager irrévocablement avec lui. L'imprévu, la bizarrerie de cette situation, les idées confuses qui s'entrechoquaient dans ma tête, tout conspirait contre moi. Tout à coup, je le vis pâlir, puis, abandonnant ma main, il se laissa tomber sur un fauteuil comme un homme désespéré. Ce fut pour moi un éclair. Sans réfléchir davantage, je lui présentai la lettre. « Lisez cela, lisez !» Il jeta un coup d'œil sur le papier, sa pâleur devint livide, puis le sang reflua à son visage, il voulut balbutier quelques mots. D'un air courroucé, je lui montrai la porte. « Sortez, lui dis-je, j'oublierai tout, mais ne me faites jamais souvenir. » Et voilà, ma chère reine, fit en terminant son récit la duchesse Cornélia Romagnoli, la véridique et complète histoire de ma liaison avec Don Bénigne. Voici le secret que je ne pouvais pas apprendre au comte Santinelli et que je vous confie comme à une amie. Rejoignons maintenant Maria Santinelli et ses compagnons de plaisir. Ils passèrent toute la journée dans le cassin de la Via Appia à festoyer joyeusement. La signora Diane acheva de distraire le Patito de la reine de Suède de sa malheureuse passion, aidée d'ailleurs dans cette œuvre de charité par les excellents vins de l'amphitryon qui ne furent ménagés par personne. Aussi, le soir, quand ils rentrèrent en ville, adopta-t-on à l'unanimité la proposition que fit Maria Santinelli, dont la tête était fort échauffée, d'aller finir la nuit chez le signor Pancrazio. Santinelli avait son idée. Il garda rancune au marquis Monaldeschi. Il avait trois revanches à prendre contre lui. Revanche de joueur pour ses écus perdus au lansquenet. Revanche de duelliste pour le coup d'épée que Monaldeschi lui avait servi d'une si leste façon. Revanche de galanterie pour l'affront qu'il avait reçu devant une femme. Comme nous venons de le dire, cette dernière revanche était en très bon train. Restaient les deux autres. Il fit triomphalement son entrée chez le signor Pancrazio, où se trouvaient, comme d'habitude, nombreuses compagnies. Monaldeschi était installé à une table de jeu. Vous ne vous attendiez pas à me revoir de si tôt, dit le comte en s'avançant vers son adversaire, la figure très animée et la démarche un peu titubante. Mon cher Santinelli, répliqua Modaldeschi de l'air le plus cordial, je suis enchanté de vous revoir. On a dû vous dire que j'ai envoyé plusieurs fois au palais Farnèse pour avoir de vos nouvelles. Vous êtes trop bon en vérité, monsieur le marquis. Vous me gardez rancune, je le vois, de la sotte querelle que je vous ai cherchée. Je vous en fais mes excuses devant tous ces messieurs. Et si vous le voulez bien, nous nous donnerons la main pour sceller une réconciliation dont je serai pour ma part le plus heureux. Désarmé par cet accueil, la tête encore troublée de nombreuses libations, Santinelli s'exécuta et tendit, d'assez mauvaise grâce, sa main au marquis. « Vous me devez pourtant une revanche, » fit-il. « Je suis toujours à votre disposition, mais je serais désolé d'être forcé de tirer de nouveau l'épée contre un si galant homme. » « Nous en reparlerons plus tard. Ce soir, c'est au jeu que je vous provoque. » « Soit, » répliqua Modaldeschi, dont la physionomie exprima une singulière satisfaction. « Veuillez prendre place, mon cher Santinelli. » Le comte s'assit en face de son adversaire, tira une longue bourse et fit ruisseler l'or sur la table. La signora Diane se tenait debout derrière lui. Une foule de joueurs, attirés par le bruit de l'or et jugeant que la partie serait chaude, vinrent se grouper autour de la table. Pancraccio apporta des paquets de cartes. « Taillons-nous la bossette, le pharaon ou le lansquenet ?» dit Modaldeschi. « Comme il vous plaira. N'est-ce pas au lansquenet que vous perdîtes la dernière fois ?» C'était en effet au lansquenet. Je vous offre alors votre revanche, au même jeu. Soit, à qui la main ? Le sort favorisa Santinelli, qui prit les cartes. Il passa trois fois et gagna une cinquantaine de pistoles. Au quatrième coup, que Modaldeschi ne tint pas entièrement, la veine changea. Ce fut à Modaldeschi de tailler. Pendant un quart d'heure, il n'y eut guère qu'une suite d'intermittences, qui égalisèrent à peu près de chaque côté la perte et le gain. Mais Maria Santinelli s'échauffait, et chaque fois que les cartes lui revenaient, il augmentait son enjeu. Modaldeschi, au contraire, conservait tout son sang-froid et ménageait ses ressources. La veine finit par se dessiner de son côté. Il venait de passer 10 fois de suite. Presque tout l'or de Santinelli, poignée par poignée, s'était amoncelé devant lui. Le 11e coup favorisa encore l'heureux joueur. Le restant du tas d'or suivit la même route. Il y eut, dans la galerie, un murmure de surprise. Toutes les têtes s'avancèrent et se penchèrent, curieuses, pour suivre cette intéressante partie. « Il y a 500 pistoles au jeu, » dit froidement Modaldeschi, tenant le paquet de cartes de la main gauche et prêt à retourner de la main droite si son adversaire faisait le coup. Santinelli, que les émotions de cette longue partie avaient achevé d'étourdir, n'y voyait presque plus. Il promenait autour de lui un regard vague. Son adversaire répéta « Il y a 500 pistoles au jeu ». Au même moment, la signora Diane se pencha à l'oreille du comte. « Tenez bon, » murmura-t-elle, « la chance va vous revenir. »« Banco !» s'écria Santinelli en cherchant de sa main crispée le tas d'or qui n'y était plus. Modaldeschi retourna lentement les 3 cartes. La fortune lui sourit encore et de sa même voix tranquille, il reprit « Il y a 1000 pistoles. »« Je les tiens. » « Lansquenet !» s'écria Modaldeschi. Des exclamations s'élevèrent de tous les coins de la salle. Il venait de retourner 3 valets. C'était la 3e fois qu'il passait. « Monsieur le marquis, » lui dit Santinelli à demi-voix, après avoir fouillé jusqu'au fond de ses poches, sans y trouver la plus mince piécette, « je me suis laissé entraîner par la chaleur de la partie à tenir 2 coups, sans avoir sur moi la somme engagée. Je vous dois 1500 pistoles. Dans 2 heures, vous serez payé. » Qu'à cela ne tienne. Soyez parfaitement à votre aise. La parole d'un galant homme comme vous vaut tout l'or du monde. Il y a 2000 pistoles. Les tenez-vous ? Banco. Vous avez encore perdu. Il y a 4000 pistoles. Je les tiens, toujours sur parole. Cette fois, ce furent les 3 as qui retournèrent. C'est entendu. Lansquenet. Modaldeschi avait passé 15 fois. Il fut jusqu'au 21e coup. Il gagnait sur parole 30 000 pistoles à son adversaire. Celui-ci se leva, chancelant comme un homme ivre, quoique les fumées du vin qui obscurcissaient son cerveau lorsqu'il était entré au logis du seigneur Pancraccio se fussent complètement dissipées. Il sortit précipitamment du tripot. Le grand air lui fit du bien. « C'est bien 30 000 pistoles que je dois à ce maudit gentilhomme, murmurait-il tout en gagnant le palais Farnèse. 30 000 pistoles. Que tous les démons de l'enfer m'étranglent si je sais où les prendre. C'est encore la Suédoise qui me vaut cette aubaine, car sans elle, sans ses caprices et ses perfidies, je ne me serais pas replongé dans cette passion du jeu qui m'avait déjà joué de si vilains tours et mis à peu près sur la paille. Je ne serais pas allé chez le signor Pancraccio. Je n'y aurais pas fait la connaissance de Monaldeschi. Je n'aurais pas reçu, pour les beaux yeux de la signora Diane, un coup d'épée qui m'a tenu un mois dans une chambre. Je n'aurais pas rencontré ces étourdis sur la Via Appia. Je ne me serais pas grisé. Comme un facchino. Il s'arrêta tout à coup et porta la main à son épée. Quelqu'un courait après lui et les rues de la capitale du monde chrétien n'étaient rien moins que sûres quand les ombres de la nuit les enveloppaient. À la lueur de la lampe qui brûlait dans la niche d'une madone au coin d'une ruelle, il vit quelqu'un s'approcher vivement en lui faisant signe de s'arrêter. Puis une voix qu'il connaissait bien se fit entendre. « J'ai eu de la peine à vous rejoindre. Vous ne marchez pas, mon cher Santinelli. Vous volez. Vous avez des ailes aux talons, comme le dieu Mercure. » « Le marquis Monaldeschi ?»« En personne. » « Craignez-vous donc de ne plus me revoir ? Est-ce après votre argent que vous courez, monsieur le marquis ? Je vous ai dit que demain... »« Fi, pour qui donc me prenez-vous pour me supposer de telles pensées ?»« Mais alors, j'ai une affaire à vous proposer. » Et si vous n'aviez pas quitté si à la hâte l'honnête maison de Pancraccio, vous sauriez déjà de quoi il s'agit. Parlez, je vous écoute, quoique le lieu ne soit guère propice. Mon cher Santinelli, vous avez perdu cette nuit sur parole 30 000 pistoles. Ah, nous y voilà donc, j'en étais sûr. Laissez-moi achever. Vous avez perdu 30 000 pistoles, et pour vous mettre à l'aise tout de suite, je vous avouerai franchement que, si pareille disgrâce m'était arrivée, je serais aussi embarrassé que vous pour m'acquitter, et... Parlez pour vous, je vous prie. Eh bien, soit, ce matin, dès que le soleil sera levé, à la première heure, après avoir négocié, moyennant de bonnes et solides garanties, un fort emprunt chez quelques juifs du ghetto ou chez quelques usuriers du quartier des Lombards, vous m'enverrez la somme. C'est convenu, je vous remercie d'avance de votre exactitude, qui ne m'étonne point de votre part. Mais pour peu que vous n'ayez pas de répugnance, je refuse votre or. Je vous tiens quitte d'une dette de jeu que vous pouvez parfaitement payer et viens vous demander en échange d'une misérable somme dont je n'ai nul besoin un service aussi précieux pour moi qu'il est facile à vous de me le rendre. Mais enfin, de quoi s'agit-il ? Dit Maria Santinelli, fort soulagée par la tournure que prenait inopinément la chose. Tout simplement de me présenter demain au palais Farnèse. Au palais Farnèse ? À Sa Majesté la Reine Christine de Suède. Mais à quel titre, s'il vous plaît ? Comme aspirant à l'honneur unique de m'attacher à sa maison. Je sais que la reine cherche un secrétaire, et si j'ai le bonheur de lui agréer... Santinelli partit d'un éclat de rire. Pourquoi cette gaieté, monsieur le comte ? Une folle idée qui me passe par la tête, mais elle n'a rien d'offensant pour vous. Enfin, si vous y tenez tant, qu'il soit fait suivant votre désir. Je suis tout à vos ordres, et si vous voulez bien venir demain au palais, j'y serai, à midi précis. « Je vous attendrai. À demain, donc. À demain, mon cher Santinelli, et croyez à toute la reconnaissance de votre dévoué serviteur. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat. » Ce pauvre Monaldeschi, pensait le comte en rentrant au palais Farnèse. La perspective des bonnes grâces de mon auguste maîtresse lui a tourné la tête. Il rêve sans doute quelque haute fortune, mais il compte sans le Napolitain. Le lendemain, le marquis Giuseppe de Monaldeschi était présenté à Christine de Suède par le comte Maria Santinelli. Il s'était muni d'une lettre de recommandation du cardinal Odescalchi. La reine l'accueillit parfaitement, s'entretint longtemps avec lui et finit par lui dire « Quand on est d'aussi bonne maison et d'aussi belle manière que vous, monsieur le marquis, on ne sollicite pas une place de secrétaire, fût-ce même auprès d'une reine. » « Votre Majesté refuse donc d'accepter mes services » fit-il d'une voix qui peignait toute la tristesse qu'il éprouvait de voir son espoir trompé. « Oui, je refuse vos services comme secrétaire, mais je les accepte comme grand écuyer de ma maison. »« Ah, madame, ah, ma reine !» s'écria Monaldeschi, employant le genou. « Je suis à vous, à la vie et à la mort. »« C'est comme cela que je l'entends, monsieur le grand écuyer. » Je vous donne congé pour aujourd'hui. Allez mettre ordre à vos affaires. Demain, vous viendrez vous installer au palais Farnèse, et tous les matins, vous aurez à prendre mes ordres. » Elle le congédia après lui avoir donné sa main à baiser. Santinelli avait assisté, non sans un certain dépit, à cette scène. On a beau avoir renoncé aux faveurs d'une femme, on n'en éprouve pas moins quelque déplaisir à voir ses faveurs s'arrêter sur un autre. Il allait suivre le marquis Monaldeschi qui se retirait, le visage rayonnant. Christine l'arrêta d'un geste au moment où il sortait. « J'ai des ordres à vous donner, monsieur le majordome, » lui dit-elle. Il n'était plus que le majordome. « J'attends le bon plaisir de votre majesté. Qu'a-t-elle à me commander ?» Il est possible que ce seigneur napolitain, qui venait quelquefois au palais, s'y présente de nouveau aujourd'hui. « Votre majesté veut parler sans doute de Don Bénigne. » « Précisément, s'il se présente aujourd'hui, ou plus tard, faites-lui dire par mes gens que je le dispense désormais de ses visites. Je ne veux plus le recevoir. Votre majesté sera obéie. » En rentrant chez lui, Santinelli réfléchissait sur la disgrâce qui venait de frapper le favori de Christine. Il se disait qu'il avait peut-être eu tort de présenter Monaldeschi à la reine. Il rencontra sur son chemin cette camériste qu'il avait attachée à ses intérêts. « S'est-il passé quelque chose d'extraordinaire au palais depuis hier ?» lui dit-il. « Rien d'extraordinaire que je sache, monsieur le comte. Don Bénigne n'est pas venu ?»« Il n'est pas encore venu aujourd'hui, mais hier, dans l'après-midi, il s'est présenté comme il a l'habitude de le faire tous les jours depuis quelque temps. Quand il a appris que la reine avait auprès d'elle la duchesse Cornelia Romagnoli, il est devenu fort pâle. Il s'est retiré précipitamment. La duchesse Cornelia a été reçue hier par la reine. Elle est restée plus de 2 heures, enfermée avec sa majesté. » Ce que la duchesse Cornelia lui avait dit dans le jardin à propos de Don Bénigne lui revint à la mémoire. « Elle m'a tenu parole, » pensa-t-il. « Elle est venue sans doute apprendre à Christine ce fameux secret qui devait la détacher comme par enchantement de ce Don Bénigne. Mais je n'ai plus à l'en remercier car elle a travaillé pour un autre. Oh, je me vengerai de ce Monaldeschi de malheur. J'attendrai une bonne occasion. » La vengeance est un plat qu'il faut manger froid.